vous écoutez toujours Futur Simple sur CKRL 89.1. Le plastique, c'est fabriqué à partir du pétrole ou du gaz naturel. Ces deux matières premières-là sont chauffées, raffinées. Ensuite, leurs monomères sont extraits, puis liés pour créer des polymères. Les résines ainsi formées sont vendues sous forme de granules, de poudre ou de liquide et constituent la matière première des produits finis. Mais une fois utilisés, les plastiques deviennent un fardeau pour la société et l'environnement, et il faut donc réutiliser ou les recycler. On passe en mode solution environnementale avec Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique, qui nous parle cette semaine de la chimie derrière le recyclage des plastiques. Absolument, Philippe. Donc, tu l'as très bien souligné, les déchets de plastique constituent un problème majeur pour l'environnement. D'ailleurs, selon un article paru dans Le Monde en 2012, on estime qu'il y a 300 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année et dont près de 10% vont finir dans les océans. 10%, c'est énorme. Et d'ailleurs, on a parlé à l'émission il y a quelques semaines d'une île de plastique qui pollue l'océan Pacifique. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission ou entendu plutôt l'émission, c'est une énorme île de 1 à 4 millions de kilomètres carrés qui contiendrait près de 30 000 pièces de déchets par kilomètre carré. En clair, là, ça représente environ 120 millions de déchets de plastique uniques sur une superficie qui est équivalente à environ au double de la province de Québec. C'est absolument énorme. C'est beaucoup de plastique. Absolument. Et ça touche aussi nos rivières et nos fleuves ici au Québec. Il y a une collecte qui a été organisée, entre autres, par Québec Océan à la plage Sainte-Agnès Nord, près de Rimouski, où on a ramassé près de 910 kilos de déchets, dont une carcasse de voiture, entre autres. Hein. C'est pas rien quand même, une carcasse de voiture sur une plage. Et ça, c'est seulement là, les 910 kilos sur une distance d'à peine 1 km. Donc, c'est à noter aussi que dans ce cas-ci, le principal déchet, enfin le tiers des déchets, c'était des déchets composés de matières plastiques. Quels sont les dangers d'une telle pollution par le plastique exactement? Ben, les plastiques sont des sortes d'éponges à polluants organiques, Philippe. Ils peuvent les concentrer en un endroit donné et ils vont les libérer à ce moment-là dans l'environnement. Par ailleurs, les produits de dégradation des plastiques peuvent être eux-mêmes dangereux. À des hautes températures, entre 150 et 300 degrés Celsius, selon un document de l'INRS, et aussi, bon, avec le temps et le soleil, il y a des molécules réactives qui peuvent être produites. Et donc, en grande quantité de plastique, quand on a beaucoup de plastique, ces produits-là peuvent s'accumuler et c'est là que ça peut être dangereux. Donc, autrement dit, on veut pas rejeter du plastique pour rien dans l'environnement, ça c'est clair. Mais heureusement, on peut le recycler, le plastique, au lieu de le jeter. Oui, on peut absolument le recycler. Et d'ailleurs, moi, je me suis demandé comment ça se faisait, le recyclage du plastique. Mais d'un point de vue chimique, hein, c'est un peu la thématique de mes chroniques. Donc, quelle est la chimie derrière tous ces plastiques-là? Ben, faut d'abord comprendre ce qui est à la base une matière plastique. En fait, le plastique, c'est un mélange qui contient une matière de base, si on veut, qui peut être moulue ou façonnée et qui va généralement être moulue donc à chaud ou sous haute pression pour faire un objet quelconque. C'est un peu un genre de pâte à modeler qui va durcir, si on veut. D'ailleurs, le plastique, hein, c'est un mot qui dérive du latin plasticus et qui veut dire mouler. Donc, on a l'idée de vraiment créer quelque chose à un modèle comme on veut, un objet à l'image de ce qu'on veut créer. OK. Mais à la base, à peu près tout le plastique qu'on produit provient du pétrole. À la base, si on veut, oui, les plastiques les plus communs, comme on l'a dit en entrée d'émission, sont dérivés de pétrole ou de gaz naturel. Ça n'a pas toujours été le cas, par contre. Hein. Il y a entre autres des Égyptiens qui se servaient de gélatine ou de protéines de blanc d'œuf comme colle plastique pour le bois, par exemple. Plus tard, même au tournant du 20e siècle, on a utilisé, là c'est pas des blagues, du lait pour faire du plastique. C'est un produit qu'on appelait la galalite. Alors, je vous explique comment on faisait. On utilisait un acide, et à la maison d'ailleurs, on peut faire ça, hein, on peut utiliser du vinaigre qui est un acide, pour faire cailler le lait. Alors, quand on fait cailler le lait, on va faire précipiter la caséine dans le lait, ce qui est la principale protéine du lait. Et les chimistes qui vont faire, eux, c'est récupérer ces protéines-là qui ont coagulé et les lient chimiquement les unes aux autres grâce, entre autres, à de la formaldéhyde, là, un produit qui va faire le pont entre les protéines qui va les coller ensemble, si on veut. Ensuite, il reste juste à faire sécher, à polir et à faire des boutons ou des colliers en lait caillé. On sort toujours du lait caillé pour faire du plastique aujourd'hui, mais en fait, le yogourt, c'est un peu ça. Le yogourt, c'est un peu ça. Donc, plastique mou. Oui, et donc, Phil, tu préfères tes propres boutons de chemise avec du yogourt que tu laisses dans ton frigo pour un certain temps. Mais blague à part, on fait vraiment encore du plastique à partir du lait. En fait, il y a certains pays qui sont des grands producteurs laitiers, comme la Nouvelle-Zélande, qui vont se servir du plastique pour... pour faire du plastique. Sinon, évidemment, aujourd'hui, on sert surtout des dérivés de pétrole, évidemment. On estime qu'il y a 4% de notre pétrole qui sert à fabriquer du plastique, le reste étant utilisé surtout pour le transport. Mais comment le pétrole devient du plastique, en fait? Mais le pétrole, pour devenir du plastique, il doit être chauffé puis raffiné. Donc, on doit extraire les monomères produits en chauffant le pétrole. En fait, les monomères, c'est en quelque sorte des blocs de construction du plastique qu'on va assembler les uns à la suite des autres en polymères, donc en très longue chaîne. C'est comme si on faisait un peu des piles de blocs Lego avec du pétrole chauffé, si on veut. Donc, le plastique obtenu, lui, va être ensuite vendu sous forme de granules, de poudre ou encore de liquide. Maintenant, pour qu'un plastique soit recyclable, ça doit être un thermoplastique, c'est-à-dire qu'il doit ramollir à la chaleur sans se dégrader, et puis ensuite il doit redurcir en refroidissant. Un peu comme la cire d'une chandelle qui fond et avec laquelle on va refaire une autre chandelle. Chimiquement, ce qui se passe, c'est que les chaînes ou les piles de blocs Lego du thermoplastique sont reliées entre elles par des liaisons très très faibles et qui peuvent être rompues sous l'effet de la chaleur. Donc, c'est cette propriété-là qui va rendre les plastiques recyclables. On peut les faire fondre et les remouler à volonté. Donc, c'est ce qu'on peut faire avec les plastiques qui sont sensibles à la chaleur. Et c'est ce qu'on peut pas faire, par exemple, avec du polyuréthane, qui est aussi un plastique qu'on utilise dans la mousse isolante et qui, lui, pourra pas être, va complètement brûler ou carboniser lorsqu'on le chauffe. OK. Donc, c'est un peu à ça que les numéros derrière les emballages réfèrent, le genre de plastique auquel on a affaire. Exact. Donc, ça va référer à un type de plastique, un type de thermoplastique. En fait, c'est les symboles de Möbius, donc vous savez le triangle en flèche avec un chiffre au centre qu'on a en dessous de nos plats plastiques, par exemple. Ce qu'il faut retenir pour ces symboles-là, pour le recyclage à Limoilou, puis pour la ville de Québec, c'est que les plastiques numéro 1 à 5, ils se recyclent. Okay. Si on se casse pas la tête, lorsqu'il est écrit 1 ou 5 en dessous, on met ça dans le bac bleu et il n'y a pas de problème. On les envoie ensuite au centre de tri et il y a des employés là-bas qui vont les séparer et faire fondre le plastique par numéro, et ensuite on va pouvoir les récupérer. Sans entrer dans les détails, le principal thermoplastique utilisé, c'est le polyéthylène. On le retrouve entre autres dans les plastiques numéro 2 et 4. Il constitue le tiers de la production totale des matières synthétiques et la moitié des emballages de plastique. Okay. C'est d'ailleurs un des principaux plastiques qu'on retrouve dans le continent de déchets du Pacifique, par exemple. Le polyéthylène à haute densité, ça c'est le plastique numéro 2, lui il va être utilisé par exemple pour des objets de plastique rigides. On pense à des bouteilles, des jouets, des ustensiles ménagers, les fameux Tupperware aussi, donc vont être entre autres faits en plastique numéro 2, et certains sacs de plastique aussi. OK, donc plastique 1 à 5, ça se recycle, mais le plastique numéro 6, lui, il se recycle pas ou c'est parce que c'est pas un thermoplastique? Non, en fait, c'est un thermoplastique et on peut d'ailleurs le recycler. Hein. C'est possible de recycler le plastique numéro 6. C'est simplement pas rentable de le faire. Alors, je vous explique. Le plastique numéro 6, il est mieux connu sous le nom de polystyrène. Hein. C'est celui qu'on retrouve dans des emballages ou les verres de plastique à usage unique ou encore des contenants qui prennent pas mal d'espace. Et on le connaît aussi très bien sous sa forme expansée, donc gonflé si on veut, dans les verres à café en styromousse. Donc c'est le fameux styromousse, le plastique numéro 6. Et cette forme-là du plastique numéro 6, elle a l'avantage d'être peu dense et très légère, mais cette propriété-là, c'est aussi un désavantage quand arrive le temps du transport. Les camions sont pleins d'un gros volume de plastique, mais qui contient peu de matière et beaucoup d'air. Donc c'est pas très rentable à transporter. On a donc arrêté de le recycler dans la plupart des villes du Québec. C'est un peu dommage, mais dans une manière compréhensible, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de plastique là-dedans, il y a majoritairement de l'air. Effectivement. Mais mis à part le plastique 6, est-ce qu'on a progressé dans les dernières années en recyclage ou si le continent de plastique va continuer à grossir? Mais disons qu'à Québec, on semble faire assez bonne figure pour mettre ce qu'il faut dans nos bacs bleus. À tout le moins, si on se fie au site web de la ville, en 2012, il y a 54 000 des 60 000 tonnes de matière reçues au centre de tri qui ont été recyclées. Donc, c'est 90% du contenu de notre bac bleu. On est quand même pas si mal pour faire le tri. Le problème, c'est que ça semble pas être le cas partout au Québec et pour tous les types de plastique non plus. Hein. Donc, en 2008, par exemple, la collecte sélective municipale au Québec a montré un taux de récupération de seulement 17% selon Recycle Québec. Okay. Et ce taux-là, ça inclut que la quantité potentiellement valorisable, donc ce qu'on aurait pu dans les bacs recyclés, et pas la quantité totale des déchets plastiques générés. Donc, il y a un paquet d'autres déchets aussi qu'on a envoyés à la poubelle et qu'on n'a pas pu recycler. Donc, on est loin de l'objectif de 60% fixé par la politique québécoise de gestion des matières résiduelles de 98 à 2008. Fait qu'on continue à remplir joyeusement les sites de remplissage et d'enfouissage, en fait, là. Oui, oui, il y a encore beaucoup de plastique qui s'en va dans les sites de remplissage, donc je pense qu'on pourrait remplir encore plus nos bacs bleus, okay. Certainement. Puis si on se fie aux déchets retrouvés dans l'océan, on doit en laisser passer une bonne quantité, j'imagine. Puis c'est pas juste au Québec, c'est un problème mondial, dans le fond, là. Oui, c'est un problème qui est mondial et vraiment qui doit être adressé. À tout le moins, ben, au Québec, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que chaque année, encore selon Recycle Québec, ben on augmente la quantité de plastique qui sont mis au recyclage. Donc, il y a toujours une quantité totale qui est plus grande, même si la proportion reste relativement faible. Il y a de l'espoir. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails sur comment gérer votre bac de recyclage pour des trucs écolos, allez googler le site de la Ville de Québec, celui de Recycle Québec ou encore celui des chimistes pour l'environnement de l'Université Laval. Oh, tout à fait, oui. Des très bonnes références en la matière, Philippe. Ben, merci beaucoup, Jean-Daniel. De rien, Philippe. Eh bien, merci. Petite pause publicitaire au CKRL 89.1 et on revient avec Christiane Dupont qui nous parlera de la flore laurentienne, la Bible qui a été faite par le frère Marie-Victorin.